J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui. Sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibier, de poissons, je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons, je suis de sucre et d'eau d'érable, de pâté, d'austère, de credo. Je suis de 10 enfants à table, je suis de janvier sous zéro, je suis d'Amérique et de France, je suis de chômage et d'exil, je suis d'octobre et d'espérance, je suis une race en péril, je suis prévu vers l'an 2000, je suis notre libération. Des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile. Donne gala à Manny Croyant. Je suis Québec mort.